Encore un son que je voulais pas faire, la prod me fait broyer du noir. Dites-moi comment ne pas être vulgaire quand le destin n'est qu'un bâtard. Mélancoliques sont les pros, normal vu ce que le monde propose. À l'encre de mes yeux je compose des ratures d'histoires moroses. Y'a des choses dans la vie qui peuvent te couper l'envie de rire. Quand ça touche à la famille, crois-moi que tu peux t'attendre au pire. Moi dans mon coin, dans mon peurat, frérot j'avais rien vu venir. Elle me dit pas que ça ira, j'en chiale déjà les bons souvenirs. Mais putain dites-moi pourquoi je me pose sans cesse les mêmes questions. Je crois qu'aucun rire avait raison, le diable est rentré dans ma maison. Il s'est incrusté sans raison, m'a pris mes dernières illusions. Une fois fini la confusion, j'ai pris conscience du mot liaison. Mon idéal s'est fait flinguer sur un sentier de pétales de rose. Chez moi le chétane s'est distingué en talons et rouge à lèvres roses. Les moments doux se font rares, j'ai réalisé mes cauchemars. Papa et maman séparent, j'ai vu qu'ici rien ne se répare. Quand la tristesse s'évacue, la colère la remplace. Cupidon est déchu à l'heure où les amants s'enlacent. Dans mon cœur des coups de chlasse, l'amour n'a pas survécu. Cet événement laissera des traces, même une fois le divorce conclu. Quand la tristesse s'évacue, la colère la remplace. Cupidon est déchu à l'heure où les amants s'enlacent. Dans mon cœur des coups de chlasse, l'amour n'a pas survécu. Cet événement laissera des traces, même une fois le divorce conclu. Papa je t'en veux la vérité, j'ai pas la force de te pardonner. Trop de mensonges depuis des années, comme un lâche tu t'es dédouané. C'est par ta faute si je rappe ce thème, qu'on pleure tous parce qu'on t'aime. Alors pardon si j'ai la haine, même si tu restes mon père quand même. Un gosse dans un corps d'adulte, je n'étais pas prêt pour vivre tout ça. J'aimerais m'éloigner des tumultes pour retrouver le temps des boussards. Frère ironique et le destin, à l'heure de célébrer mes noces. Ma belle et moi se disons oui, pendant que mes darons divorcent. T'inquiète même pas, pour nous deux ça changera rien. Faut rester fort dans les coups bas, on va tout faire pour que ça se passe bien. Comment choisir entre père et mère? Impossible, ça va pas le faire. Je garderai toujours ce goût amer, même si j'ai celle que je ferai mère. Éternels sont les regrets, l'amour fait mal, y'a pas de secret. Le cadavre de mes espoirs est balisé à la craie. J'ai mis des mots sur mes mots qui m'aident à calmer mes nerfs. Y'a de l'amertume dans mon mémo, vu que les sentiments coûtent cher. Quand la tristesse s'évacue, la colère la remplace. Cupidon est déchu à l'heure où les amants s'enlacent. Dans mon cœur, des coups de chlasse, l'amour n'a pas survécu. Cet événement laissera des traces, même une fois le divorce conclu. Quand la tristesse s'évacue, la colère la remplace. Cupidon est déchu à l'heure où les amants s'enlacent. Dans mon cœur, des coups de chlasse, l'amour n'a pas survécu. Cet événement laissera des traces, même une fois le divorce conclu.